Des ennemis, baisse, des amis, baisse, et les autres, bref, ils attendent la brèche. J'pense de moi, tu es vraiment cru, mais je suis juste cruellement vrai. Toi le banquier, t'la mise dans le cul, j'crois que le bonheur est dans le frais. Elle te disait qu'elle t'aime, plus qu'elle ne s'aimait elle-même. J'pense qu'il a empêché de faire qu'elle pas un autre. Et tes soi-disant frères, quand t'as pris 6 ans ferme, quoi de parler, quoi de mandat, pas un mot. T'essaies de les faire croquer, mais c'est toi qui veux le manger. Faites pas les mecs choqués, le jour où je vais vraiment changer. J'ai le cul du game à mon annulaire comme une putain d'alliance. Ils se demandent pourquoi tant de haine, ils n'en comprennent pas le sens. On se bluffe, on se bluffe, on se bluffe, yeux dans yeux. On s'attire, on s'attache, mais on joue à un jeu dangereux. On se bluffe, on se bluffe, on se bluffe, yeux dans yeux. Et puis on finit solo. Et puis on finit solo. Au départ on achète les meubles, puis on déplace les meubles. On essaye de sauver les meubles, et un jour on se partage les meubles. Soit c'est l'amour qui rend con, soit y'a que des cons qui tombent amoureux. Et je me demande ce que ces gens font, je crois qu'ils essayent tous d'être heureux. Hugo remballe ton cœur d'éponge, j'ai troqué le mien contre un portefeuille. Je compte les lots, je compte pas sur les jambes, à la déception je fais faire l'orgueil. Y'a aucun lien imprisable, pas même l'amour d'un frère. Les gens se rendent compte de tout ce que tu fais pour eux le jour où t'arrêtes de le faire. Tu verras jamais d'arc-en-ciel sans un peu de pluie. Y'a pas de lumière, pas de soleil plein sans un peu de nuit. Le jour du jugement dernier, quel bave tu vas appeler quand tu crois nager dans le bonheur? Reste là où tu as un pied. On se bluffe, on se bluffe, on se bluffe, yeux dans yeux. On s'attire, on s'attache, mais on joue à un jeu dangereux. On se bluffe, on se bluffe, on se bluffe, yeux dans yeux. Et puis on finit solo. Et puis on finit solo. C'est plusieurs fois que je t'appelle, je ne décroche pas. Yuri, ça pouvait plus durer. J'ai accepté beaucoup de choses. Ça, c'est pas possible. Tu comprendras sûrement pas, mais c'était la seule chose à faire. Tu m'y obligeais. C'était pas ma vie, ni mon monde. J'espère qu'un jour tu comprendras. Et je te laisse. À plus tard.